Il t'interdit de manger dans le studio. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment magique. Les Jeux Olympiques, pique, pique, pique, pique. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment magique. Être amazing, c'est sympathique. Quand la terre entière s'arrête de faire la guerre, plus de misère ni de politique. On se prend tous par la main pour faire une ronde autour du monde. Ah, les Jeux Olympiques, c'est vraiment magique. Les Jeux Olympiques, pique, pique, pique, pique. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment magique. Être amnésique, c'est pathétique. Nos petits sportifs, dont on est si fiers, partent le cœur vaillant pour croiser le fer. Contre leurs ennemis, pardonnez le mot, mais adversaire, c'est pas très beau. Ah, les Jeux Olympiques, c'est vraiment magique. Les Jeux Olympiques, pique, pique, pique, pique. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment magique. Être amnésique, c'est très pratique. Ils ont des beaux drapeaux et les brandissent bien haut, savent qu'un honneur est à défendre. Mais s'ils sont trop mauvais, alors tant pis pour la paix, utilisons la bombe atomique. Voilà les Jeux Olympiques, c'est vraiment magique. Les Jeux Olympiques, pique, pique, pique, pique. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment magique. Être amnésique, c'est fantastique. Et quand tout sera fini, que tous ces sports géniaux sont tombés dans l'oubli jusqu'au prochain JO. Ah, reprenons nos guerres, le cœur léger, décapitons nos prisonniers. Non, mais c'est pour la dernière chanson du CD, c'est pas grave.